Les chiens aboient, la caravane passe, la basse cour nous observe. Bon qu'à faire des bassesses, des cheateux sans emploi qui rêvent d'usine et puis d'un cassès. Les mêmes qui tueraient leur daronne pour effriter une plaquette. J'entretiens des merdes pareilles, ça me pisse dessus en retour, mais je fais toujours le sourire. C'est moi le trou de balle qui donne à perte. Un crachat, deux crachats, le troisième je l'ai essuyé. J'attends seulement qu'il envoie le 4, puis je serai légitime d'aller le baffer. Certains veulent pas se réveiller, bientôt 30 ans, ce bâtard gratte encore des tickets. Le plus marrant dans tout ça, c'est qu'à 19 ans, ce trou de balle sur les gens collait des étiquettes. Une petite poule mouillée, dans son nid douillet, rêve de voler, mais le grillage est trop haut. Rends-toi compte, il pourrait casser sa petite patte, ça pourrait faire mal, la vie c'est dur. Mais ferme ta gueule, sale pédale, affronte ton miroir, blâme le mec que tu vois devant. Et la barrette de shit qui t'a niqué 10 ans, au lieu de me jouer les durs, de faire mes 10 ans. Tes parents ont honte de toi, crois-moi ils ont de bonnes raisons. Que des comportements de petit garçon, t'as peur de te péter l'ongle. Sors la cuillère, ton trou du cul, puis mets-la à ta bouche, savoure, ça durera pas une vie. Ouais, le F, t'es pas dans les temps. Tu rimes pas. En bas les couilles. Tu rimes pas dans les temps, à l'image de la vie du mec dont je parle. C'est qui ce mec? Pas dans les temps. Je me déconstruis, je vois que j'avais le nez dans la merde. Mon zinc, c'était un agresseur, les gens que j'aimais, c'était des faux frères. Rien de trop grave, je les laisse patauger. 24 ans, 100 000 euros, ça va, je m'en sors en léger. Pourquoi tu suis vieux porc? Moi, je le sais, mais je vais te laisser galérer. Petite merde, j'avoue que ça m'amuse. Je peux te faire tapiner comme ma muse. Je t'en prie, viens museler le clébard. Avec son 12, t'attends sagement. Devant ta dépouille, je remue ma queue. J'attends que ça pour être heureux. Reste pas dans l'inaction, sinon fous-toi en l'air. Je peux rien te dire de plus. Faites comme vous avez toujours fait, vois-moi comme le fou du bus. L'aliéné de la commune, compris que par les gosses de la DAS et ceux qui ont souffert réellement. J'aime tout le monde sur cette terre, mais y'en a, ils méritent la mort. Et je suis personne pour la leur donner. Dieu merci, les forces d'en haut font les choses bien. Qui sème le vent récolte la tempête, Dieu ne joue pas au dé. Rancunier, pire que moi, t'as pas, bâtard. Ça n'existe pas, bâtard. J'oublie rien, bâtard. Hein? Vos petites actions à deux balles. Petit truc de merde, j'ai rien oublié, bande de fils de pute. Ouais. Vous me regarderez briller dans le Hummer là, bande de merde. Et c'est pas un concours de beat, c'est pas un concours de qui a le plus souffert, c'est pas un concours de tout ça. Je vous encule, c'est tout.